salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Aujourd'hui, comme un retour au fondement de cette émission, on va se concentrer sur la puissance de la musique, sur l'effet qu'elle peut avoir sur nous à un moment bien précis. Et bien, comme je vous le dis, la musique peut parfois exprimer nos émotions bien mieux que nos mots. Certains titres correspondent parfaitement à notre état. Et du coup, on sent moins seul, on ressent fort, on déverse, ça soulage. Et comme par magie, bien ces quelques notes nous permettent d'entrer dans ce que Aristote appelle la catharsis, c'est-à-dire la purification de l'âme pour les spectateurs d'une représentation dramatique. En résumé, le spectacle auquel on assiste nous fait revivre des émotions que l'on a en nous, on extériorise, on se libère et on se sent mieux. À l'époque, ça parlait de théâtre. Moi, aujourd'hui, je vous parle de musique. Pour moi, c'est un peu la même chose. Et donc, aujourd'hui, eh bien, on va explorer différentes musiques pour différentes émotions. En somme, le bon titre au bon moment, celui qui va permettre de crier fort dans sa tête, puis de souffler un peu. Moi, c'est Arthur et tout de suite, c'est le Memento Catharsis. Ça s'écoute fort sur Radio Panique. Encore ma chance, Kevin. I got myself in charge. Crash, Idols, la violence de ce groupe Idols qui vient de sortir un nouvel album, Crawler, un album qui est très très très très bien avec un savant mélange de gros punk avec une énorme force et en même temps des fois il y a des chansons, c'est-à-dire qu'il y a des accords, il y a des mélodies derrière et c'est un savant mélange des deux qui est très très très très fort. Je pouvais pas ne pas vous mettre du Idols pour une émission Catharsis. J'ai failli même vous en mettre deux, tellement en termes de défouloir et de hargne, c'était franchement bien bien foutu. Pour la suite, Fuzz avec What's in My Head pour se laisser engloutir dans le son de guitare et de basse. Ça commence doucement, puis ça part sur un refrain cascade et ça nettoie, ça fait du bien. What's in my head, The Fuzz, de l'album du même nom en fait, de 2013, avec un magnifique dragon bleu sur fond d'espace. Tout l'album est à peu près de cette qualité-là, hein, donc ça vaut le coup d'aller voir. Il y a une belle puissance musicale, c'est ça qu'on peut dire. Et aussi des jolis clins d'œil à Black Sabbath et ce genre de groupe. On part sur un tout autre registre pour ce qui vient après, puisqu'on va écouter de la grime avec Dizzy Rascal et P-Money pour God Knows. Pourquoi je vous mets ça ? Ben juste pour la puissance du flow et du beat, on n'est pas si loin que ça de la dubstep. C'est potentiellement fait pour un entraînement ultra violent de boxe. God Knows, Dizzy Rascal and P-Money. Chapter 1, verse 1. God Knows. Yeah. God knows that I got a good heart, but I do not go for the disrespect. God knows that I've been through the blood and the sweat, you bet I'm a nervous wreck. God knows if I say that I come for a check, then a check is what I expect. God knows I'm a pain in the neck. God knows better watch your step. God knows that I got a good heart, but I do not go for the disrespect. God knows that I've been through the blood and the sweat, you bet I'm a nervous wreck. God knows if I say that I come for a check, then a check is what I expect. God knows I'm a pain in the neck. God knows better watch your step. Yeah. Gotta be patient, steady pace and a bit of meditation. I got away from the self-medication, but I'm still myself on an occasion. Yeah, I'm still myself, not an imitation. Elevation, headspace in another location. Vacation, play away, I don't stay in my station. Got a brand new space, it's amazing. Switching up my cadence to my phrasing. Buzzwords been chasing the buzz, but it's fading. I don't know the last time I went raving, but the last couple nights I've been craving. I don't care what manner you were raised in, or you're claiming. Everybody in the manor's complaining, and it's draining. I'm not a caveman, I will never cave in. Plain sailing, I'm not slaving. Even if I spent my whole life saving, I could never buy the Lambo 4x4 and every goddamn colour it came in. But I'm good for the days that it's raining, and on the raining chaps no training. I'm a natural, look how I'm failing, I'm flailing. Trying hard but you ain't maintaining. Everybody but you that you're blaming. Your behaviour's lame, it's a shame, you can say it's degrading. Do your own braining, no brainer, you'll get a caning. Get slick, get split in your cranium. And like Jesus, somebody save him. God knows that I got a good heart, but I do not go for the disrespect. God knows that I've been through the blood and the sweat, you bet I'm a nervous wreck. God knows if I say that I come for a check, then a check is what I expect. God knows I'm a pain in the neck. God knows better watch your step. God knows that I got a good heart, but I do not go for the disrespect. God knows that I've been through the blood and the sweat, you bet I'm a nervous wreck. God knows if I say that I come for a check, then a check is what I expect. God knows I'm a pain in the neck. God knows better watch your step. Walked in the game like I bet you were gonna respect me. Grime MC in a room full of dubstep guys like bet you were gonna accept me. Before the check, not one of them checked me. Next album, you were gonna reset me. So-called bad boys, till they see bad boys. Bad enough, everyone here accept me. Calm and funeral, get me, I bet you bet me. Your man couldn't best me, it's best you let me. Play up front like I'm ST, focus. And I got drive like a Focus ST. You don't know me just cause you met me. Racial profiles, man had plenty. I had white dad saying roll me your mustache, cause I kicked it with a nigga like Jet Li. Wow. Shut up, don't bread me. Tired of set, spare MCs pushing up chest like raw. Who you man trying to breastfeed? Timid down, chill out and R-E-S-T. Like, no emotions, like, come on, I can't let no relationship wreck me. I phone a motive like, yo, come get me. Next minute, things on a mug like Tet Lee. She's got a member. Tell him, test my patience, turn patient if you test me. Big boy MC, you saw me bring out Dizzy Rascal, Giggs and JME. God knows when I MC, it's all love and I got flows when I MC. Cool guy and that shows when I MC, but diss me and get shown when I MC. God knows that I got a good heart, but I do not go for the disrespect. God knows that I've been through the blood and the sweat, you bet I'm a nervous wreck. God knows if I say that I come for a check, then a check is what I expect. God knows I'm a pain in the neck. God knows better watch your step. God knows that I got a good heart, but I do not go for the disrespect. God knows that I've been through the blood and the sweat, you bet I'm a nervous wreck. God knows if I say that I come for a check, then a check is what I expect. God knows I'm a pain in the neck. God knows better watch your step. God knows, c'était Dizzy Rascal dans le Memento sur Radio Panique. Pour la suite de cette émission, bien, je voulais creuser un peu les musiques très fortes avec une certaine dose de violence qui peut amener une certaine forme de transe. Et du coup, je suis tombé sur Aaron Spector. C'est un Américain qui mélange plein de styles musique électronique différentes avec justement une grosse couche de violence par-dessus tout ça. Je vous propose d'écouter un titre à lui. C'est une expérience en soi. Ça dure 3 minutes 56. Ça doit pouvoir se danser si vous voulez. Aaron Spector, Decrypt the Signal. Prenez votre respiration. Voilà, c'était Aaron Spector, Decrypt the Signals. Promis, je l'ai écouté en entier ce titre, ce morceau. Voilà, j'espère que c'était une expérience intéressante pour vous et que vous avez passé, si c'était un peu trop too much pour vos sens. On va repasser à quelque chose d'un petit peu plus dans les clous, on va dire. Mais pas forcément moins intéressant. Je vous en parle après. Incubus Anomaly. Anna Molly Incubus dans le Memento Catharsis. Pourquoi repasser sur des choses comme ça de nostalgie ? Eh bien parce que pour moi, dans les moments qui sont peut-être parfois difficiles, c'est pas mal de se replonger dans la musique de son adolescence. Incubus, je trouve, est pas parmi les choses les plus honteuses de notre adolescence, en tout cas de la mienne. Voilà, pour moi, c'était un très très très bon groupe de cette époque-là, on va dire début entre 2000 et 2010. C'était d'ailleurs un groupe franchement pas mal à voir en live, et en parlant de concert, ce qui est bien, c'est que la fameuse catharsis, ça peut être un moment collectif, ça peut être un concert, ça peut être des dizaines de milliers de personnes devant un groupe, ça peut être justement ces dizaines de milliers de personnes qui chantent avec le groupe, quand le refrain se met extrêmement bien pour ça. C'est donc Kaiser Chief Ruby en 2008 au Ellen Rhodes Festival. Vous avez droit de crier avec eux. J'étais ailleurs mais maintenant je me réveille. Je suis posé dans mon canapé. Parfois j'avance, parfois je me repose, parfois je me mets à rapper. J'ai mon potager, je lui donne de l'eau. Je suis pas un rappeur, je suis un écolo. J'ai pas évolué, ça fait 10 ans. De 17 à 27 ans, je rappe juste un peu mieux dans les dents. Un peu de pilon dans les dents, un peu de cara dans le le foie, un étudiant gagne plus que moi. 800 euros pour 500 euros de loyer, ça fait mal au cul. J'suis un peu chaud, ouais, un peu distrait quand y'a des go et que ça parle de cul. Dans mes sons, ça parle de sexe et d'argent. J'ai plus qu'à lever le majeur devant monsieur l'agent. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Est-ce que tu penses que le rap, ça te fait du bien? Est-ce que tu penses que le rap, ça te fait du bien? Oh, faut penser à faire du bien. Oh, faut penser à faire du bien. Et là, tu joues les épicures. Et là, tu joues les épicures. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Est-ce que tu penses que le rap, ça te fait du bien? Bah ouais, parce que tu vois, au niveau de l'avenir, ta sécurité. Je travaille encore dans le centre de la ville. Je vends des pizzas, c'est loup devant, tu fais la file. Je sors encore dans le centre de la ville. Elle m'ont dit, t'es une resta, pourquoi tu fais la file? Je suis popoposé, moi je m'en bats les couilles. En attendant, je vois une petite pierre spéciale. J'ai dit, je suis popoposé. Moi je m'en bats les couilles. Je fais connaissance avec Gilbert et Stéphane. Tu connais, après le travail on se pose avec les collègues. On fume un peu de pollen. On fumera le cash qu'on fait pendant la semaine. Après ça on revient avec manque de sommeil. La tête est dans le cul, le plomb est dans la semelle. Mais bats les couilles, on fait avec, on verra après. J'ai foi en moi, j'arrive avec un album, ils sont pas prêts. A chaque fois on y croit, à chaque fois on le refait. On le refera mille fois tant qu'il y aura des refs. Toujours le même, je rentre en soirée, prêt à tout niquer. J'arrive en feu, je pète à ton briquet. Je prends le métro, j'ai pas mon ticket. Tu veux manger quoi, je sais pas trop, je suis pas compliqué. Toujours le même, je rentre en soirée, prêt à ton ticket. J'arrive en feu, je pète à ton briquet. Je prends le métro, j'ai pas mon ticket. Tu veux manger quoi, je sais pas trop, je suis pas compliqué. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Qu'est-ce que tu fous, putain? Est-ce que tu penses que le rap, ça te fait du bien? Faut penser à faire du bien. Oh, faut penser à faire du bien. T'es là, tu joues les épicures. T'es là, tu joues les épicures. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Dans mes sons, ça parle de sexe et d'argent. J'ai plus qu'à lever le majeur devant monsieur l'agent. Ça parle de sexe et d'argent. J'ai plus qu'à lever le majeur devant monsieur l'agent. Délire de Pete, du rap belge dans ce Memento Catharsis sur Radio Panique. Pete, eh bien, c'est un membre du 7-7, notamment. Il a sorti son album il y a peu, qui s'appelle Mignon, album solo. Il est en pleine tournée. J'ai eu la chance et le plaisir de le voir à la baie. Et c'était des glingos. Des vrais musiciens sur scène, il y a Morgan, et puis en fait il invite tous ses potes du rap belge. Ça fait un très très bon moment, plein d'énergie, et en même temps pas mal aussi de morceaux d'introspection sur sa vie, sur la perte de sa mère et tout ça. Donc mélange très intéressant entre des bangers, des choses un peu plus drôles avec un peu plus de second degré, et des choses un peu plus profonde, c'est bien des fois pour réfléchir. Restons dans le rap, restons dans voilà, le rap. Si quelque chose de rap, de hip-hop, avec Dua Salé, Sugar Mama, juste pour la sensualité de ce morceau très fort. I have a friendly neighbor, she wanna be my savior. Her daddy always warns about my family's behavior. She wonders about my flavor, those chocolate coated layers. She looks me up and down, her pussy melting like a glacier. Bodacious belly flopper, her daddy flies a chopper. She talks about her charities and work he has to offer. She dining, eating lobster, gold accents on her romper. Her hands soaked in that metal bowl, absorbing all that copper. Shower caps and faucets, water in her socket. Not used to girls with stringy hair, I like them in a bonnet. Super says not flossy, skin not gleaming glossy. Slather soupy liquid on your legs because it's frosty. Persistent halitosis, perplexing braggadocious. Clunky chunky clatter coupled with that new explosive. Critters always jibber jab about her candy coaxing. Did his kitty lit it, why

Michel Berger, la groupie du pianiste. Tout simplement pour moi parce que ça fait partie de ces titres de la chanson française qui mettent quand même pas mal de monde d'accord et qui mettent quand même tout ce petit monde justement en une espèce de petite transe qui fait chanter tout le monde ensemble. C'est une belle expression d'émotion collective. J'aime beaucoup. Pour ce qui suit, on va rester sur du français avec un morceau expérience de 7 minutes, à savoir la ritournelle de Sébastien Tellier, titre légendaire que j'aurais pu passer en soi tout seul. Mais j'avais envie de peut-être vous faire découvrir cette version remixée par Gilligan Moss. Il joue sur les ralentis, les espaces, les montées des instruments, les montées même instrument par instrument. On se laisse porter tout doucement jusqu'à croiser Sébastien aux alentours des 2 minutes 40 qui embarque avec nous. La ritournelle de Sébastien Tellier, revue par Gilligan Moss. la ritournelle de Sébastien Tellier, retournée par Gillian Moss. Il a creusé dans les synthés, on rentre dans la matière, les textures, c'est très très fort. J'espère que ça vous a plu parce qu'on va continuer dans cette veine de morceaux un peu doux, un peu plus long, avec Reckoner de Radiohead. Alors comment parler de Catharsis sans parler des Anglais, emmenés par Tom York et Johnny Greenwood? Eh bien voilà, Radiohead, c'est potentiellement un des meilleurs groupes à l'heure actuelle pour parler de la tristesse sous toutes ses formes, de la plus douce à la plus énervée. Ici, on est plutôt sur de la délicatesse. On écoute donc Radiohead avec Reckoner de l'indétrônable album In Rainbows de 2007. Thank you. Après la tristesse de Radiohead, c'était le bonheur. Je crois que c'est difficile de le décrire autrement. Le bonheur de Parcells et leur titre Coming Back. Voilà, pour moi, ils sont extrêmement forts. Déjà, ils sont extrêmement propres dans ce qu'ils font. C'est extrêmement précis, c'est chirurgical. Tout en étant dans la légèreté, c'est assez fort. Ils nous permettent de se baigner dans la beauté, et les rythmes, quelque part, de Curtis Mayfield. Parce que moi, ce titre me fait penser beaucoup à Move On Up de Curtis Mayfield, qu'on entend parfois dans de la pub. Et voilà, Parcells, s'il vous plaît, Parcells, qui passe en concert au printemps, je pense, quelque chose comme ça, à Bruxelles. Je ne peux que vous recommander d'aller creuser ça. C'est absolument dingue. Et maintenant, dans un tout autre, mais alors vraiment tout autre registre, je vous propose d'aller rencontrer Echo Collective, Johan Johansson. C'est donc un quatuor à cordes qui joue, qui a collaboré avec un compositeur islandais, Johan Johansson. Et en fait, ils ont fait un album sur ces compositions qui font penser très très fort à l'Islande. Et tout l'album, c'est juste des cordes, c'est proche de la trance. Là, j'ai choisi un morceau très court. Tout simplement parce que c'est efficace et qu'il est très beau, mais tout l'album vraiment vaut le coup. Il est sur Spotify. En plus, le compositeur Johan Johansson est décédé aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais il est décédé il y a quelques temps, et ce qui rend cet album encore plus unique. Je vous laisse donc vous laisser emporter par Zurich, morceau de Echo Collective et Johan Johansson. Echo Collective et Johan Johansson, un morceau très très fort, un morceau très très court, je vous le disais, issu de cet album Johansson 12 Conversations with Tilo Einsmann, parce que Tilo Einsmann, c'est un artiste berlinois avec qui ils ont fait aussi ce concept d'album, puisqu'il y a des créations visuelles. Album magnifique, en concert, c'est extrêmement émouvant. Voilà, je peux que vous laisser sur ce genre de morceau et terminer ce Memento Catharsis avec un peu la classe et surtout avec Giorgio Moroder, Tears, ce magnifique titre que j'ai éhontément volé de la fin de Bac Nord, un petit film français assez sympa. Giorgio Moroder, Tears, pour vous remercier d'avoir écouté ce Memento, pour vous souhaiter plein de bonnes choses et qu'on se réécoute, qu'on se reparle bientôt, d'ici un mois peut-être. Ciao.